Hey, l'amener à bière. Ben là, on joue là, c'est sérieux. Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Finish him! Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale. Listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes, j'allais dire les émissions, mais sur les ondes de CJMDFM 96.9, la radio de la Rive-Sud, l'alternative radiophonique, mesdames et messieurs. Et mon nom est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu. Et je suis en compagnie de monsieur Andrew Castigan. Bonjour monsieur Michaud. Ça va bien? Fatigué de ma semaine. Ouais, mais t'es-tu content de notre nouveau thème d'ouverture? Ah, il est épique tout plein. Il est cool, moi, tu Zelda en métal là, avec du monde qui rappelle que vous écoutez Puissance Maximale 8 fois, moi j'appelle ça gagne. C'est malade, hein? C'est donc malade. Voilà, c'est fait. On vous avait dit qu'on aurait un nouveau thème. Les nuits blanches auront payé. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ça a été hier que ça s'est terminé un peu tard, mais ça s'est très bien terminé. Ça faisait un petit bout que je cogitais là-dessus. Mais il y aura aussi sûrement un nouveau thème de sortie, un outro que je vais travailler dessus dans les prochaines semaines. Parce que là, en plus, on va avoir un nouveau chroniqueur, en fait, un nouvel ancien qui va revenir sûrement la semaine prochaine. Ça va être à vérifier. Monsieur Francis Gaétan Rodrigue, qui va être de retour à Puissance Maximale après quelques années d'absence, pour revenir avec la chronique d'antan qui s'appelait et qui s'appellera encore Newbie versus Oldie. En fait, c'est pas Oldie. Ben, ça va être Oldie. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas grave. Là. Peu importe. Là. T'as inversé les noms. C'est ça, mais c'est pas grave. Google le reconnaîtra pas. Jamais. Puis là, en fait, il va être de retour la semaine prochaine pour finalement sa chronique. Ça va être, il va nous parler d'un jeu rétro et d'un jeu moderne, pas nécessairement la dernière nouveauté de la semaine, mais nous faire découvrir des fois des jeux qu'on connaît pas ou nous rappeler quand même le bon vieux temps du PlayStation 3, tu sais, des fois. Ça va me donner un break. C'est ça. Donc, Francis va être là une fois par mois également. Et j'ai retravaillé aussi, j'ai fait son thème, évidemment. Et j'ai fait aussi refait le thème de Maxime pour sa chronique Nippon également. J'avais fait un test la dernière fois, on voulait faire des petites modifications, ça a été fait. Donc j'ai tout fait ça hier soir comme un grand garçon. Et voilà, j'ai presque fini la nouvelle identité sonore de Puissance Maximale. Donc voilà, vous avez pu entendre le nouveau thème d'ouverture de Puissance Maximale dans vos oreilles. Mais mesdames et messieurs, à Puissance Maximale, il n'y a pas que des intros, il y a aussi du contenu, mesdames et messieurs. Et cette semaine, vous allez entendre M. Diego Lamana, avec qui j'ai parlé ce matin même, d'un concept qui s'appelle les Serious Games et d'un truc, et vous allez l'entendre pendant l'enregistrement de l'entrevue que j'ai faite avec lui ce matin, un truc qui m'emballe énormément, qui s'appelle Classcraft, un outil pédagogique des professeurs mélangeant jeux de rôle et pédagogie. Moi, je trippe à fond là-dessus. En plus, selon certaines études, vous allez voir, comme Diego dit dans sa chronique, ça marche. Donc, c'est pas juste le fun, c'est aussi efficace. Donc, Diego va vous parler de ça tout de suite après les deux premières chansons, parce que vous allez voir qu'on part en double pause musicale tout de suite en partant. Après ça, on vous parle de nouvelles ludiques. Et en deuxième heure, M. Andrew Castigan lui-même va nous parler de Hyrule Warriors, le jeu qui est sorti la semaine passée. Un joyeux mélange du monde de Zelda et de Dynasty Warriors, bref. Je suis pas fan du tout, moi. Non, c'est ça. T'sais, Andrew, il est pas vendu d'avance du tout, mais c'est un gars critique. Mais c'est ça, je vais être impartial. Non, mais on a hâte d'entendre ta critique, on a hâte d'entendre si ça vaut la peine d'aller chercher ce jeu-là. À date, juste un petit... Ben, disons que ça fait deux jours qu'un de mes collègues m'en parle dans le chat de la job. Je le noterai pas, là, mais... Okay, c'est bon. C'est un fort sujet de discussion sur le chat interne de mon travail. Excellent. Donc, on vous revient avec ça en deuxième heure d'émission. Mais, mesdames et messieurs, tout d'abord, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller écouter nos anciennes émissions, podcasts et autres. Allez sur le site. Sinon, Facebook, bien évidemment, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous appuyez sur le bouton j'aime, parce que nous, on vous aime, mesdames et messieurs, et grâce à ça, vous avez toutes les nouvelles qu'il faut sur l'émission et les nouvelles aussi qu'on fait suivre de sites d'experts. Donc, on vous envoie ça là-dessus. Profitez-en, allez aimer le site, et on vous dit toujours de partager aussi la page Facebook, question de propager la bonne nouvelle ludique également. Monsieur Castegan, début d'émission, mais là, c'est ça, j'ai dit, on va partir en pause double musicale, en fait, parce que c'est deux petites chansons courtes, puis je voulais quand même qu'on ait le temps de les écouter les deux. On va commencer par une toune, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, un truc, ça fait longtemps qui n'a pas été fait, une toune faite par nos amis les deux Snooze, donc, qui ont une émission ici, le lundi, le jeudi, bref, nos amis qui font leur émission humoristique à chaque semaine, et ben, quand on est arrivé l'année passée, ils faisaient des parodies des autres émissions à la station, ils en font plus malheureusement, ils devraient en refaire un petit peu. Ah ouais, je m'ennuie de Andrak le barbare. Ouais, et de Mig le mage. Et ben justement. Et je trouve ça très drôle parce que c'est, en réalité, c'est moi le mage et ouais, toi le barbare. Quand on joue, hein, souvent. Donc, mais là, à l'époque, ils faisaient aussi une parodie de Hip Hop Urbain, une autre émission ici à CGMD qui est le vendredi soir maintenant. Oh, et là, je pense qu'on a. Là, on a Alexandre qui écoute l'émission, Alex des Deux Snooze. Et ben les gars avaient fait une chanson qui s'appelait Force Optimale. Et parce que c'est le nom de la parodie de Puissance Maximale, c'est Force Optimale. Donc, ils ont fait un rap avec nos deux personnages parodiés. Ça fait qu'on va vous envoyer ça dans vos oreilles. Force Optimale, le rap fait par nos amis les deux Snows. Et tout de suite après, on va l'entendre la gang de Random Encounter et la chanson Marble Zone, évidemment, tirée d'une des zones dans Sonic. Marble Zone, c'est dans lequel? Est-ce que c'est dans le 2, ça, ma chère Random? Bonne question. Hein? Ou dans le 1? On va vous revenir. J'ai un doute. On va vous revenir après Diego, bien évidemment. Donc, on va vous envoyer ça dans vos oreilles. Force Optimale, le rap avec nos amis des deux Snooze. Et tout de suite après, Random Encounter et leur chanson Marble Zone. Sonic 1. Dans Sonic 1. Merci beaucoup. Et c'est tout ça dans vos oreilles. À Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Hey yo tout le monde. Hey yo man. Ce soir, c'est Force Optimale, you know. Fuit de Force Optimale à soir. Ils vous racontent leur vie, man. Le ghetto. Yeah, man. Come on, les boys. Pas facile jouer au Nintendo. No. Vas-y, Miglemage. Pis Andrax, c'est à vous autres. Quand je suis né, j'étais juste un level 1. Mais depuis les années, j'ai continué à leveler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à exceller. Même si c'est pas facile d'être un geek à l'année. J'ai pas eu une enfance très facile. Toujours tout seul, dans mon domicile. Ça me prenait une sortie, un kit de survie. Mario et Luigi, vous étiez mes seuls amis. Allez, vas-y, Andrak, mon ami. Moi, j'ai découvert les jeux de table. Donjons et dragons, c'est vraiment formidable. À toutes les fins de semaine, j'allais au marché au plus. Mon sac sur l'épaule, une randonnée en autobus. Avec mes decks de Magic rouge et noir, j'arrachais toujours la victoire. Comme d'habitude, tu peux me traiter de loser, mais je peux effacer tout ton ordinateur. C'était Force Optimale. Yeah, happy crew, man. Merci les gars, c'était génial. Génial. Thank you. Puissance Maximale vous présente la chronique académique. Mesdames et messieurs, de retour à Puissance Maximale. Je suis avec M. Diego Lamana pour sa chronique académique. Salut Diego, ça va bien? Très bien, toi? Ça va très bien. Et là, on va parler, évidemment, on connaît les gens, on connaît Giz et Laurent du jeu C'est sérieux, parce que là, aujourd'hui, je dis ça parce qu'on va parler justement de choses sérieuses. On va parler de serious gaming avec toi. Mais là, avant toute chose, c'est quoi ça du serious gaming? Oui, serious gaming, ou en français, le jeu sérieux, c'est un genre de jeu spécifique, donc qui utilise des mécaniques ou des systèmes de jeux vidéo pour avec un but éducatif ou de formation. Okay. Quand on parle de jeu sérieux, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler un oxymore, donc une opposition, quelque chose qui est deux termes qui s'opposent. Donc le jeu est généralement quelque chose de divertissant, et ce qui est divertissant n'est généralement pas sérieux. C'est un peu une opposition, une contradiction là, inhérente dans le terme. Et pour certains puristes dans les études académiques vidéoludiques sur le jeu vidéo, ne s'entendent pas pour dire si c'est véritablement du jeu ou une autre forme d'éducation. Donc, c'est entre les deux, entre le jeu vidéo et l'éducation. Et là, on parle de quel genre de jeu habituellement? Est-ce qu'on peut retrouver n'importe quel jeu qui peut être ce qu'on considère comme un jeu sérieux, ou il y a des types plus spécifiques à ça? Généralement, ça tourne toujours autour de deux styles, soit la simulation, okay, évidemment, et le open world, donc le monde ouvert. Des exemples évidents de ce qu'on pourrait appeler du serious gaming, c'est à l'époque l'armée américaine avait sorti America's Army, qui était un outil de formation pour les soldats, qui était aussi, en plus d'être un jeu de tir à la première personne, était aussi un jeu pour aider les soldats en préparation de situations de guerre. Donc ça amène les deux côtés. Là il y en a plusieurs autres. Par contre, des jeux comme SimCity, on considère pas ça comme du serious gaming, puisque en jouant à SimCity, on n'apprend pas à devenir un meilleur maire. On aurait des noms à suggérer comme ça. Ça nous introduit à certains concepts de la gestion d'une ville et de l'urbanisme. Par contre, c'est pas le but premier de nous apprendre ça. C'est par la bande que ça se fait. OK. Mais là, on peut, malgré tout justement le terme de serious game, est-ce qu'on peut quand même parler de jeu? Parce que là, ça a l'air vraiment plus sérieux que ludique, disons, cette affaire-là. Oui, c'est plus sérieux que ludique. C'est vraiment une question d'opinion et de posture théorique, si on veut. Donc, qu'est-ce qu'on définit par jeu? Et par la suite, si ça rentre dans la définition du jeu ou du jeu vidéo. Si on prend, comme j'en avais parlé, il y a quelques chroniques par rapport à la définition du jeu traditionnel. Généralement, le jeu est dans un cercle magique, donc qui a pas de conséquences sur la vraie vie. Le but d'un jeu sérieux est d'avoir des conséquences sur ta vraie vie, donc de t'éduquer. Donc là, ça vient à l'encontre de cette définition-là. Et le but principal du jeu est de se divertir. Et là, le but principal d'un jeu sérieux est de nous instruire. Donc, ça vient un peu à l'opposition. C'est vraiment une question de posture théorique, savoir si c'est un jeu ou pas. Ce qui nous intéresse pour la chronique, par contre, ce qui nous intéresse d'un point de vue geek ou amateur de jeux vidéo, c'est que ça utilise des mécaniques, des systèmes et les règles qu'on connaît généralement dans les jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que ça nous intéresse aujourd'hui. Excellent. Et là, j'imagine, là, tu te lances comme ça là, dans la présentation de ce concept-là, mais là, j'imagine qu'on a quelque chose au Québec qui pourrait nous, nous éclairer sur ce concept de serious gaming. Y a-t-il quelque chose au Québec qui se fait dans ce genre-là? Oui, je vous en parle dans un but bien précis, c'est vous parler d'une nouvelle perle québécoise, si on veut. Ça s'appelle Classcraft. Ah, d'accord. Un petit clin d'œil à Warcraft. Oui. qui est un système développé par un Québécois, Sean Young, un enseignant en sciences physiques au secondaire dans la région de Sherbrooke, okay, qui est aussi développeur web et évidemment un fan de jeux vidéo. Bien évidemment. Oui, évidemment. Donc, lui a créé ce qu'il appelle un jeu qui vient aider ou tenir la main à ses étudiants au secondaire lors des cours. Okay. On va en parler un petit peu plus en détail bientôt. J'ai décidé de choisir cette chronique-là pour faire un peu un écho à un segment d'émission sur Radio-Canada qui parlait de ce sujet-là. C'est La Sphère avec Mathieu Dugal. Oui, qui est, oui, entre parenthèses, une des seules émissions de médias traditionnels qui parle de sujets geeks qui pourraient intéresser les auditeurs de Puissance Maximale. Ouais, c'est ça. Disons que c'est assez rare dans le média traditionnel d'avoir des émissions complètement, disons, dédiées. Puis on parle, il y en a aussi dans les chaînes spécialisées. Là, on connaît bien évidemment les Nerds, Monsieur Net et ses patentes-là. Là, ouais. Mais disons qu'à Radio-Canada, ouais, c'est assez, dans les médias généralistes, c'est assez rare. Ouais, puis on est très content de voir passer Monsieur Dugal avec son concept. Oui, ça c'est vraiment, c'est plus une nouvelle technologie, pas uniquement jeux vidéo. Mm-hmm. Et les jeux vidéo sont dans les nouvelles technologies. Voilà. Donc, oui, vas-y Diego. Excuse-moi. Donc, Sean Young était là pour présenter son projet Classcraft, ce qui est un projet, ça m'a vraiment fasciné au début, puis j'avais quelques petits questionnements, donc j'ai fouillé un peu sur le sujet, et je vais vous en discuter, donc c'est vraiment pas, je répète pas la chronique de la sphère, je vais vraiment plus vous donner mes réflexions à ce sujet. Excellent. Donc, Classcraft, donc c'est ça, c'est un logiciel qui aide, donc lui il appelle ça un jeu. Je suis pas vraiment d'accord avec cette appellation-là pour son système. C'est plutôt un système de jeu. Okay. Les amateurs de Donjons Dragons et de RPG vont se reconnaître. C'est vraiment un calculateur. Okay. C'est véritablement un calculateur et un gestionnaire d'avatars, d'expériences, de pièces d'or, d'habiletés. Okay. Donc, comment ça fonctionne un peu, c'est que le professeur crée des groupes. Donc, les élèves sont répartis en groupes. Et à l'intérieur du système, il y a trois classes. Donc, l'élève choisit une des trois classes, guerrier, guérisseur ou mage. OK. Et les trois classes, comme dans les RPG normaux, ont des sorts différents, peuvent gagner de l'expérience, peuvent gagner des pièces d'or. Et donc là, c'est selon leur comportement en classe que les élèves vont gagner des points d'expérience, des pièces d'or. Et OK, tu me parles de tout ça, Diego, là, j'aurais envie de retourner au secondaire. Oui, moi aussi, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est, on a vraiment un suivi quotidien sur et un feedback aussi automatique. Donc, tu réponds à une bonne question en classe. Ah, 60 points d'expérience. C'est bon, ça. Et là, les sorts ont aussi des conséquences dans la vraie vie. Donc, par exemple, de mémoire, un des plus gros sorts du guérisseur, du prêtre, c'est la permission d'avoir ses notes lors d'un examen. Oh! Mais là, il faut se rendre au top niveau, donc pas perdre. Et là, c'est ça, on peut gagner de l'expérience, mais on peut en perdre aussi. Okay, si on dérange la classe, on perd de l'expérience, etc., etc. C'est qu'à ce moment-là, c'est ça, on peut avoir pas des passe-droits, mais disons des petits bonus, mais il faut avoir beaucoup travaillé pour l'avoir obtenu de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, ça commence avec des sorts de premier niveau, comme avoir le droit de manger en classe. Et quand tu utilises ce privilège-là, tu te fais enlever des points d'action. OK. Donc, le joueur, l'élève, doit gérer ses points de vie. Ah, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Ses points d'action, donc sa mana, si on veut, et son expérience. Et avec ça, donc, gagner des niveaux et choisir des nouveaux sorts selon un arbre d'habileté, le fameux skill tree. Ah, moi, je suis flabbergasté présentement, Diego. Tu me parles de ça, puis je trouve tellement que c'est bien pensé. Et puis surtout, si les élèves participent activement, là, ça doit faire vraiment une belle dynamique en classe. Tu n'es pas le seul, donc, parce que Sean Young a testé son logiciel avec ses propres élèves. Je crois que c'est à la fin ou cet été, à la fin de l'année scolaire dernière, il a fait un site web juste pour parler de son projet. Okay. Et en une seule journée, il y a eu 130 000 visiteurs uniques sur son site web. OK. Non, c'est donc, ça. C'est énorme. Et ça l'a forcé à lancer son logiciel qui a été lancé le 18 août dans 50 pays. Il est utilisé par 7000 profs et disponible en 6 langues, bientôt 10. Mon Dieu Seigneur. OK, on parle d'un franc succès pédagogique. Instantané, oui, ouais. Instantané. C'est assez incroyable. Il est disponible, donc c'est sûr qu'il y a des coûts reliés à ça. Les professeurs qui voudraient l'intégrer au complet. Par contre, il y a une version gratuite, une version semi-gratuite, donc avec certaines, et une version complète qu'il faut payer. OK. C'est que disons qu'on a des professeurs dans nos auditeurs, qui voudraient avoir peut-être un petit coup d'œil à ce logiciel-là. On peut aller voir ça puis déjà le tester gratuitement pour voir ce que ça pourrait donner. Oui, on peut le tester gratuitement. Donc, c'est ça, juste aller visiter classcraft.com, classcraft.com. Et donc, vous pouvez, là, il y a une version test gratuite là, qui est d'un mois, je crois, ou de quelques semaines. OK, bon, mais à ce moment-là, on pourra mettre l'adresse directement sur la page Facebook de Puissance oui. Maximale pour les profs d'entre vous, ou même les simples amateurs de jeux qui veulent voir à quoi ça ressemble une insertion d'un système de jeu dans un monde pédagogique, on va dire ça comme oui. ça. Ben, moi, j'ai fait le test. Je me suis formé un petit groupe de puissance maximale. Oh! Pour pouvoir le tester. Donc, toi, le guerrier, moi, le guérisseur et Andrew, le mage. Et donc, c'est fort intéressant. Il y a vraiment un truc qui m'a horripile, je pèse mes mots, qui me dégoûte. OK. Véritablement. Donc, il y a des pièces d'or. Les pièces d'or, ça sert uniquement à s'acheter du nouveau linge pour avoir un meilleur look. Okay. Par rapport à ton avatar, parce que c'est ça, chacun des personnages a un avatar sur la page web. Okay. Mais le problème, ce que je trouve vraiment problématique dans un jeu qui s'adresse et c'est inscrit aux 9 à 11 ans, c'est qu'on peut acheter de l'or sur iTunes. Ouf, ouais. Non, ça... je serais là, je vais être d'accord avec toi sur ce point, mon cher Diego. Oui, donc c'est bizarre, il n'en parlait pas à Radio-Canada. Je trouve, OK, il y a une limite, je crois que c'est 10$ par année scolaire, par élève, mais quand même. Au moins, mais quand même, là, c'est assez... Oui, vas-y. Ben, pour quelque chose qui est complètement futile, qui n'est pas nécessaire, donc je... Puis en plus, on s'adresse quand même à des jeunes, tu sais, le côté, justement, esthétique, parfois superficiel, on essaie de les... On essaie d'évacuer ça de leur éducation pour essayer de leur montrer autre chose. On les ramène là-dessus avec, en plus, les sous. Je fais... Oui. Ben, de base, on pourrait dire, bon, c'est de leur âge, au moins si ça peut les intéresser à la méthode pédagogique et à la matière en même temps, tant mieux. Mais disons qu'avec le côté pécunier, ben disons que... Ouais, donc moi, ça m'a dérangé un petit peu. Ouais. Mais je crois que le professeur peut enlever le système de pièces d'or de son fonctionnement là, de classe. Donc, ça reste... Donc, je crois que c'est ça, c'est une limite de 10$, mais c'est pour quelque chose qui est un peu inutile. Okay. En tout cas, je trouve que c'est une manière de monétariser son jeu qui est un petit peu de trop dans ce cadre pédagogique-là. Ben, tout à fait raison, mon cher Diego. Écoute, Diego, le temps passe vite. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur Classcraft. Oui, ben juste, est-ce que ça fonctionne vraiment, ce genre de serious game? J'avoue que c'est une bonne question. Donc, je me suis posé la question par rapport à son... Parce qu'il y avait une discussion, justement, à l'émission La Sphère là-dessus. Et je suis allé vérifier certaines études académiques. Et ce qui est fort intéressant, la plupart des études tendent à démontrer... que ça fonctionne. Okay. D'abord, d'un point de vue, une des caractéristiques propres aux jeux vidéo, c'est comme j'en parlais plus tôt, c'est le feedback automatique. Mm-hmm. Donc, tu fais une bonne action, t'as un plus, tu fais une mauvaise action, donc Mario tombe dans un trou, tu meurs. Donc, c'est clair. Tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais. Un genre de système comme ça à rajouter dans une classe permet d'implanter un certain feedback automatique, une rétroaction mm-hmm. automatique. Donc, l'élève fait quelque chose de mauvais ou quelque chose de mal, parle en classe, dérange, ne fait pas son devoir, il y a une rétroaction tout de suite. Et non pas le... Donc, ça permet un suivi. À mon avis, ça permet un suivi beaucoup plus proche pour les élèves. Ils savent où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir. Ouais. Un suivi plus serré, puis en même temps, ça peut enlever des fois un petit peu, tu sais, tout le temps en situation d'appréhension, puis d'attendre soit nos résultats ou soit l'avis du prof. Oui, là, les règles sont claires. On le sait. Si on dérange durant le cours, on va perdre 60 points d'expérience. Donc, ce qui va nous rallonger de notre but de pouvoir sortir aux toilettes durant le cours, puis avoir ce droit-là. Il faut dire que ça joue un peu sur les trucs au secondaire, justement, la possibilité d'avoir quelque chose de plus que les autres, un petit privilège. Ben, ça joue là-dessus. Puis, tu sais, c'est sûr que les élèves au secondaire sont bien contents d'avoir un petit privilège, mais oui. on demande du travail à côté pour obtenir oui. ça. C'est pas. T'es fin, t'es bon football, voici la possibilité de manger en classe. Non, il y a du travail à faire, puis au bout de la ligne, on peut obtenir ça, mais on n'est pas le seul qui peut l'obtenir, tout le monde peut le faire. Oui. Je trouve que c'est quand même assez bien pensé. Oui, effectivement. Et sur une deuxième étude que j'ai trouvée sur le lien avec l'avatar, ce qui était fort intéressant, que je veux juste discuter deux petites secondes, oui. C'est par rapport à la... Donc, il y a aussi des serious games par rapport, qui sont très populaires en ce moment, sur la perte de poids, ayant pour but de perdre le poids, du poids. Donc, c'est un suivi un peu dans le même style. Et dans ces jeux-là, il y a toujours un avatar. Donc, on a un avatar virtuel qui est notre représentation de nous-mêmes. Et plusieurs études tendent à prouver, des études en psychologie tendent à prouver que seulement la présence de cet avatar-là, même s'il ne nous ressemble pas, même si c'est quelqu'un d'autre, là, même un elfe, un orc, ou peu importe, augmente le sentiment d'appartenance et attise le suivi ou l'importance. Donc, les personnes, quand les systèmes ont des avatars, les résultats sont meilleurs que quand il n'y en a pas. Ce qui est très fort, fort intéressant. Ils l'ont testé de toutes les manières possibles, qu'ils ressemblent, qu'ils ne ressemblent pas. Et ils ont toujours... Donc, c'est un autre élément qui tend à soutenir que c'est les serious games et la ludification des processus d'enseignement favorisent l'éducation chez les jeunes. Excellent. Écoute, Diego, t'es tombé en plein dans dans mes champs d'intérêt, les jeux de rôle et l'éducation, des trucs qui m'intéressent vraiment beaucoup et qui vont intéresser les auditeurs de Puissance Maximale. Très, très intéressant cette chronique-là. Merci beaucoup, Diego, de nous avoir parlé de Classcraft. On peut aller au classcraft.com pour avoir une petite idée de ce qui se passe de ce côté-là. Merci beaucoup, Diego, et on se parle le mois prochain. Oui. We'll be right back. Mesdames et messieurs, il est l'heure des nouvelles ludiques à puissance maximale. Et oui, de retour à puissance maximale, mesdames et messieurs. Vous avez entendu M. Diego Lamanna avec sa chronique sur Classcraft et les Serious Games. Tout de suite après, vous avez entendu Poor's Man Crusade, The Demons and Wizards. Ça, c'est un projet musical avec Anti Curse de Blind Guardian et aussi le guitariste de Iced Earth, dont le nom m'échappe complètement présentement. Mais bref, Demons and Wizards, allez chercher ça, c'est excellent. Surtout le premier des deux CD, il est très, très, très bon. Le deuxième est bon aussi, mais moins un peu. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez entendu, il est temps de passer en nouvelle ludique, et premièrement avec M. Andrew Castigan et sa chronique Le saviez-vous? Ah, j'étais prêt. Ah oui? Ouais, parce que j'avais pas besoin d'aller sur le site, c'est toi qui m'as confondu. Mais bref, ça. Tout ça pour dire, dans le récent vidéo YouTube de la chaîne Did You Know Gaming, que je vous recommande de vous abonner d'ailleurs, parce qu'il y a plein de petites vidéos très intéressantes, il faisait une vidéo sur la Nintendo 3DS, sur différents faits au niveau de la 3DS, et c'est là qui a attiré mon attention, c'est celle que pour qu'un design d'une console portable soit approuvé par Nintendo, il faut que le concept résiste à 10 chutes consécutives de 7 pieds de haut. Et pourquoi 7 pieds? Parce qu'il considère que c'est la plus grande, dans les plus grandes grandeurs qu'un humain adulte est. OK, il pense vraiment à toutes les possibilités là, au niveau de l'échappage de console. Exactement. Donc, okay. Si la console survit à 10 chutes, et là, quand je dis survivre, c'est pas qu'elle n'est pas cassée, là, mais qu'elle fonctionne, qu'elle allume, bien, le concept est approuvé et ainsi la console peut être passée en production. Ah, c'est bien ça, je trouve ça vraiment intéressant. T'sais, une compagnie qui se soucie de la fiabilité, de la solidité de son produit. Exactement, puis en même temps, il faisait référence à la solidité des appareils portables de Nintendo avec le fameux Game Boy qui a été brûlé. Qui est exposé dans le Nintendo Store à New York. Là, il est tout fondu puis tout, puis il est branché avec un fil de courant, puis il marche encore. Il marche encore. Et il y a aussi deux alpinistes qui ont monté l'Everest. Ils avaient emmené un GPS, une des radios, des affaires de même. Et quand ils sont arrivés dans les sommets, ben tout a flanché, sauf le Nintendo DS. Le DS. Oh, qu'on aime ça. Bref, il jouait à NFL, paraîtrait. Ah ouais? Ouais, c'est ça qu'ils disent dans la vidéo. Nice. Ben, tu sais, on dira ce qu'on voudra. Moi, Nintendo m'ont fait un peu suer les dernières années parce qu'il y avait de la misère avec leur console et tout. Mais là, ils sont sur une lancée, mais il faut jamais oublier que leur console portable, ça a toujours été dans... Pas number mal le top. One. Ouais, c'est ça, number one tout le temps. Des bons jeux puis des bonnes machines. Donc, si vous en cherchez une... Dirigez-vous vers Nintendo, vous allez trouver des choses vraiment Attendez la New 3DS. Ouais, c'est ça. Allez-vous chercher ça. La New 3DS. Voilà. Monsieur Castigan, saviez-vous que Windows 9 est mort? Vive Windows 10! Bizarrement, en fait, parce que la semaine passée, sais-tu la semaine passée, il y a deux semaines, au retour de CGMD avec Manuel. Il y a deux semaines, on avait parlé de Windows 9, les nouveautés qui s'en venaient et tout. Ça s'en venait... pas mal fin du mois. Là. Pas mal, c'est ça, fin septembre. Et là, cette semaine, on apprend que, et non, Windows 9 ne verra pas le jour. Ça sera directement Windows 10 qu'on va pouvoir se procurer. Et ça, à la mi-2015. Là. C'est pas au début de l'année 2015. Là. Ça va être beaucoup plus tard. Et ça, ben là, pour le moment, ce qu'on a sous la main comme information, c'est pas mal les nouveautés qui avaient été annoncées pour Windows 9, en fait. Dont le retour du menu démarrer, que bien des gens attendaient. On avait tous hâte de le revoir parce que, disons que l'interface de Windows 8 n'a pas fait l'unanimité. On connaît... On s'acclimate. C'est ça, on s'acclimate. On connaît les possibilités aussi d'avoir notre desktop pareil puis d'avoir de switcher à l'autre environnement, mais quand même. Il faut juste s'habituer à mettre le curseur dans le coin en bas à droite puis d'utiliser la petite loupe pour c'est trouver ça. Qu'est-ce qu'on veut et non pas aller dans l'interface métro où là, vous allez vous chercher longtemps. Non, voilà. Mais là, on nous présente finalement un menu démarré de retour. Sinon... Hybride. Ouais, c'est ça, hybride. Parce que là, finalement, l'interface métro, quand on va ouvrir le démarrer, ben, il va y avoir une partie de l'interface métro, puis aussi ce qu'on connaît déjà pour la navigation de Windows. Avec les petites barres de recherche dans le bas qu'on connaît de Windows 7. Voilà. Sinon, on va pouvoir avoir l'équilibre qu'on dit entre le tactile et la souris. En fait, seulement qu'on va pouvoir brancher clavier et souris dans une tablette et dans un PC. Et là, on s'en va directement avec ces commandes-là. Sinon, on va avoir la possibilité d'avoir le tactile. Ça va être finalement le même OS, donc le même operating system, dans tout. Peu importe la plateforme. Donc, on parle de PC, on parle même pour la Xbox, pour les tablettes, pour les téléphones. Ça va être la même OS pour toutes. Donc, et qu'est-ce qui est merveilleux, tu sais quoi? Vas-y donc. Les gens qui ont Windows 8, ben vous allez avoir la mise à jour gratuitement vers Windows 10. Donc, si vous étiez de ceux qui décriaient et qui maudissaient Windows 8... Ou qui étaient parfaitement satisfaits comme moi-même. Et leurs descendants, ben, finalement, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va peut-être justement vous réconcilier avec la plateforme Windows. Sinon, il va y avoir une boutique en ligne unique, bien évidemment, puisqu'il y aura universalité des applications. Donc, qui dit OS qui sera applicable sur toutes les plateformes, mais évidemment, les applications le seront également. Sinon, retour des fenêtres pour les applications modernes. À place d'avoir du full screen tout le temps, on va voir ça. On va avoir également des espaces bureaux supplémentaires. Ça, il y a des gens qui sont très, très contents. Genre ceux qui travaillent avec plusieurs écrans, ceux qui font beaucoup de multitâches, là, ça va être bien pratique. Et aussi, ben, là, on nous dit que justement, l'OS a été conçu en collaboration avec la communauté. On vous rappelle que certaines des nouvelles techniques technologiques, en fait, sont tirées du site branchezvous.com, qu'on aime bien. Mais moi, je me soulève une question sur une chose. Vas-y donc. Ils disent application unique. Ouais. Dans le principe que tu es l'application que tu trouves sur ta tablette, ça va être la même sur ton PC. Mm-hmm. Est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression que l'industrie du jeu vont un peu crier? Ben, possiblement, parce qu'évidemment, l'industrie du jeu, plus ils peuvent multiplier les versions, plus ça fait de vente, plus ils sont contents. Mais là, au niveau de Windows, ben, c'est sûr qu'évidemment, on ne pourra pas... Veux-tu mon hypothèse? Vas-y donc. SteamOS. T'en as déjà entendu parler? Veux-tu élaborer? Ben, en fait, la plateforme linuxienne que Steam travaillait dessus... Mais moi, à mon avis, ils vont peut-être l'intégrer en tant que plateforme virtuelle. Peut-être, mais t'as-tu vu l'update récente de Steam? Ouais, la nouvelle interface et tout, là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je suis partagé. Moi, j'ai pas eu l'occasion de gosser beaucoup ben là-dedans. Mais tu sais, là, on tombe en full écran. Ben, on n'est pas obligé d'être en full écran. Non, ouais, mais la première fois que tu tombes dessus, tu fais OK, t'es comme surpris. Ça a l'air d'être convivial, par exemple. Je suis partagé au niveau du magasin de la nouvelle version de Steam. Parce que. J'étais habitué à mon interface noire, t'es éclatante, t'avais les listes là, nouveautés, meilleures offres et tout ça. Mais là, Steam, selon les jeux que t'as, des jeux que tu joues, il te fait une liste de suggestions. Ça m'énerve. Hein. Puis après ça, il faut vraiment que tu descendes plus bas pour retrouver vraiment le tableau. Parce que... mais par exemple, une chose que je dois dire, je trouve vraiment bien, c'est quand tu décides de voir les meilleures offres, ben là, c'est tout dans une page. Ah, c'est le fun, ça. Ça, c'est le fun, par exemple. Parce que moi, que le truc analyse les jeux que j'ai, puis dit, ah, regarde, ça aimerait peut-être ça, je trouve ça cool. Mais c'est comme sur YouTube. Sur YouTube, là, avant, j'avais sur YouTube, il y avait les nouveautés, ce qui est le plus populaire, peut-être promener. Mais là, YouTube, il fait « Regarde, toi, t'es abonné à ça, voilà ce que tes abonnements ont sorti. » Puis là, tu fais... Avant, moi, je pouvais arriver sur YouTube puis décider d'aller me promener. Puis checker un peu ce qui sortait, peu importe les champs d'intérêt. Mais là, tu sais, je suis comme... Juste les trucs qui m'intéressent. Puis il n'y a rien de... Je peux pas me lancer, mettons, en recherche pour le fun. C'est que ça, j'haïs ça. Donc, je trouve ça un peu plate qu'on... Tu sais, juste les suggestions de Steam... Pour nous, on est ça au début puis qu'on puisse pas aller aller se promener. Il faut défendre. Ouais, c'est pas si grave, mais quand même. Ben moi, en fait, c'est con. Ça aurait été un clic de plus, mais si j'aurais été la personne qui aurait fait le design du magasin, j'aurais mis un choix. T'es comme. T'es tout load, non, mais c'est en ça. Haut, t'as un bouton pour dire. Suggestions. Veux-tu voir les suggestions le ou veux vraiment voir le catalogue? Et si tu veux voir le catalogue là, qui te descend au tableau qu'on est habitué de voir, et si tu veux voir les suggestions, ben, qui t'emmène à la section suggestions. Mais t'es que. Tu serais pas obligé de cliquer dessus sur les utiliser. Là. Tu peux descendre avec la roulette, ça te tente de voir l'ensemble du magasin. Mais tu as juste deux petits liens là, qui permettent de sauter directement à qu'est-ce qu'on veut voir. Ça aurait été quand même très bien. Ouais, effectivement. Mais bon, visiblement, ça se... Mais c'est une nouvelle interface. Non. Il faut y laisser une chance. On va se promener. Mais à date, moi, je trouve ça flash. C'est le fun. Ça c'est sûr, c'est rajouté de la couleur. Ouais. C'est plus c'est flashy. C'est, oui, c'est moins noir et blanc. Et, c'est d'avlet, ça. Et jaune quand il y a des ventes. Ouais. Et vert pour la petite étiquette. Monsieur Castegan, autre nouvelle? Oui, mais on va parler de SIM 4. Oh, En fait, je vais faire un retour sur une critique que j'avais faite un peu en quelque sorte et aussi une nouvelle concernant des mises à jour. Je ne m'éterniserai pas dans le retour de la critique. C'était surtout pour dire que lorsque j'avais fait ma critique, j'avais été partagé sur le fait que les sims, je trouvais qu'il manquait des choses dans la nouvelle version. Il manquait, par exemple, les piscines. Et chose que j'avais pas remarqué, il manquait les fantômes, effectivement. Là, quand que le sim il mourait, il y avait un fantôme qui hantait les lieux. Mais ça, il l'avait plus. Mais j'ai pas eu de sim qui est mort. Fait que j'ai pas eu l'occasion de... Tu t'occupes bien de ta gang, Andrew. Oui, je m'occupe bien de mon sim. Motherload. Mais bon, ça pour dire que beaucoup de fans, justement, ont décrié, ont calé le jeu des Sims en disant il manque beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'ai été un petit peu plus nuancé dans mes propos en disant ça reste somme toute un jeu qui remplit ses promesses, mais effectivement, il manque des choses, il dépendamment. Des choses qu'on avait d'acquis avant. Mais j'ai pas tout de suite mis le jeu sur le bûcher dans le principe que je voulais attendre la réaction que EA allait faire, EA et Maxi, sur la chose. Et justement, on a une réaction qui est sortie aujourd'hui avec une première mise à jour. Maxi dit en fait que ça fait déjà un mois que le jeu est sorti, mais que pendant cette période-là, ils ont été très à l'écoute. On lu les commentaires, on regardé les forums pour voir qu'est-ce que les joueurs trouvaient qu'il manquait dans le jeu. Et ainsi prendre en compte un maximum de commentaires que les joueurs avaient. Donc la première mise à jour pour le mois d'octobre ramène effectivement les fantômes et des costumes d'Halloween. Hourra! Donc, non, mais tu sais, c'est niaiseux, mais... Un petit peu, quand même. Mais ça ramène des fantômes. C'est déjà un bon morceau. Déjà ça. Donc, on ramène des fantômes avec les fameuses caractéristiques de couleur, dépendamment de la façon qu'ils sont morts, qu'est-ce que ça fait sur leur comportement. Comme exemple, le fantôme rouge, ben, il est mort par le feu. Donc, il se promène puis il met le feu à des trucs. Tu sais, des genres d'affaires de même. Et on va aussi parler... Puis les costumes d'Halloween, il y a une thématique Star Wars... pour fêter la sortie de la série animée Star Wars Rebels. Rewind. Non, mais bref. Nous célébrons ici la prononciation anglaise. Et aussi, ils ont rajouté plus de couleurs pour le linge, les yeux, les cheveux. Partiellement, ils disaient il y a moins de choses pour customiser nos sims et tout ça. Oui, on peut les customiser physiquement, mais concrètement, il y a moins de choses. Fait qu'ils ont rajouté des choses comme ça. Et ils ont déjà annoncé aussi deux autres grosses mises à jour. Une en novembre qui va ramener un des points très controversés du Sim 4, les piscines. Hourra! Je trouve ça très drôle, ça sortait en novembre, là, mais bon. Mais la crainte que les piscines sortent en DLC est maintenant écartée. Et on parle aussi de décembre où il va y avoir des nouvelles voies de carrière et des nouvelles récompenses. Récompense dans le jeu, à savoir que quand vous réalisez les objectifs de votre sim, vous avez des points et vous pouvez y acheter des avantages en frais de récompense. Et évidemment, Maxi continue en disant que les joueurs des Sims, c'est les meilleurs joueurs, c'est indiscutable à quel point ils nous lichent et qu'on est gentils. Non, et qu'ils ont hâte de nous dire plus et qu'ils voulaient prendre une nouvelle tournure avec les Sims et ainsi sortir plus de contenu gratuit à l'aide de mises à jour. Écoute, tant mieux, ça, on est content. Ils ont répondu à l'attente des joueurs ou critiques. Ça, je trouve ça très cool. Mais, avec cette affirmation-là, ça donne un peu l'impression qu'on a fait... Regarde, Sims 4, il n'est pas tout à fait prêt. Là. On pourrait le sortir pareil. Puis s'il remarque de quoi, s'il chiale bien gros le monde, on leur fera ça gratis. Mais sinon, là... En tout cas, bref, c'est peut-être moi qui paranoïe, là. Mais c'est que ça sent... On parle de yé. C'est ça, mais... Ça a comme une petite saveur de, là, un petit arôme de... on va voir comment le monde va réagir, si on peut leur passer un sapin, sinon, ça sera, sera un petit cèdre. C'est plate parce que ça rajoute un peu en quelque sorte. C'est le fun, mais c'est plate. Ouais, dans le principe que je trouve ça le fun parce qu'ils n'ont pas embarqué dans la gimmick de « on va sortir des add-ons puis des DLC, payer 2$ pour votre piscine puis des affaires de même ». Ça aurait pas été dramatique, tes 2$ pour acheter un élément au jeu, mais ça reste que tu repayes pour avoir des éléments de jeu qui étaient là dans les versions antécédentes. Mais effectivement, ça donne une impression que le jeu il était incomplet, non terminé, et là que la compagnie fait un « bah, ça a pas mal chiolé, on leur passe ». Tu sais, c'est ça. Mais disons, tant mieux. Ça, on leur a dit, tant mieux s'ils nous font ça gratis. Ils vont pas régler tous les problèmes qui ont été notés, par exemple, là, mais on verra avec les prochaines mises à jour gratuites. On verra pour les DLC ce qu'ils vont amener. Mais tant mieux. Mais disons que ça calme pas tout à fait mon cynisme envers l'industrie du jeu vidéo, malheureusement. Monsieur Castegal, savais-tu que nous aurons la chance l'extrême honneur d'avoir une adaptation cinématographique du jeu Tetris. Wow! Là, tu te dis, et là, pour les nouvelles de jeux vidéo, évidemment, souvent, on sort ça de jeuxvideo.com. Là, moi, je suis en train de lire l'article, je trouvais ça très drôle. Leur prémisse, comment ils ont amené ça, c'est un film d'Assassin's Creed. Pourquoi pas? Un film d'Angry Bird? Ouais, à la limite, là, tu sais, un dessin animé. Tetris, en un, pour vrai, là, vraiment. Ben, en fait, c'est ce que Threshold Entertainment annonce aujourd'hui, que Tetris sera porté sur grand écran en tant que film de science-fiction. Rien n'a encore filtré pour le scénario, ni sur le casting, ni même sur la forme du film. S'agirait-il d'un live-action ou d'un film d'animation? Nous n'en savons rien, d'autant plus que Threshold Entertainment a déjà donné dans les deux genres avec des adaptations de Mortal Kombat, Spider-Man, ouais. Lego ou Star Wars. Sauf que Lego, faut faire attention, c'est pas Lego de movie. Non, non, c'est ça. Là. C'est les autres films de Lego, ouais, qui sont très... Ça, là. Non, c'est ça. Écoute, je suis tellement emballé d'aller... le pire dans ça, c'est qu'on en a parlé pendant le show du retour. Ah, on oui. Dit, ah, si c'est un film sur Alexei Pajitnov. Pajitnov, merci. Mon russe aussi, pas très bon. Ah, c'est ça. Mais tout ça pour dire... C'était grand homme, ce créateur de ce jeu. Ça aurait été un biopic, un film biographique sur l'arrivée de Tetris avec justement Alexei Pajitnov qui l'a créé, l'histoire avec Nintendo, tout ça qui lui a... Passé un sapin, on va dire ça comme ça. T'sais, dans l'ère justement du renouveau du jeu vidéo, après la chute avec Atari et tout, ça aurait pu être très intéressant. Mais là, un film de science-fiction sur Tetris, doit-on... T'sais, en fait, la question, c'est pour... Il y a deux questions. Pourquoi et est-ce vraiment nécessaire? T'sais, on pourrait se rappeler du film Battleship, mais on le fera pas. Parce que moi, je ne l'ai pas écouté et je ne l'écouterai jamais, à moins d'être très Transformers dedans. Non, c'est ça, c'est finalement... Attends, c'est approprié. Et voilà, il y avait des Transformers de Battleship. Ça aurait dû être j'espère que... je me rappelle, mais je sais pas si c'est Hasbro qui a les droits à cette heure pour Battleship. Il pourrait faire une version avec des Transformers, c'est malade. Ah. Ouais, il y a comme à peu près 2-3 milliards de versions de Monopoly à cette heure. Il pourrait faire une version Battleship. Transformers, Michael Bay. Ouais, ça avec des explosions. Tu mets une petite pinouche, là, puis là, il y a une petite lumière, ça fait « Piou! » Baboum! Oh, oui! Ouh, avec ta voix, Mike. Non, c'est ça. C'est bien important. Mais bref, pour retourner sur les nouvelles du film de Tetris... C'était Battleship dans votre voisinage. Non, mais pour retourner sur le film de Tetris, j'ai assez hâte de voir la fameuse barre. Ouais, non, c'est ça. À quel moment va-t-elle arriver au bon moment pour... atteindre le Tetris ou venir nous cochonner à la fin de la game et nous empêcher de jouer. Le suspense sera terrible. Ou l'escalier. Je peux pas attendre! Vite, sortez ce chef-d'œuvre! Xavier Dolan Palais, Sarabillé, Tetris de movie. J'en reviens juste pas. Sans faire, c'est comme je disais à Manu tantôt pendant le cube. Ouais, ou le cube. Le cube, j'ai hâte de voir quand le cube va arriver. C'est comme le bully de la gang. Il dit, moi, je m'en vais là. C'est un non-conformiste. Il y a le L, il y a le T, il y a le genre d'escalier, là, l'autre inversé. T'as la barre, t'es, qui peut être chiante, mais à la limite, t'accouches, t'es. C'est ça. Et t'as le cube, que peu importe dans quel sens que tu le mets, ça va donner un cube. Il est là, pas, il est intransigeant. Intransigeant, ouais. Intransigeant. Et lui, il va où il veut, comme il veut. Mais tout ça pour dire... Je disais tantôt à Manu, pendant le retour, on parlait de ça, de cette nouvelle-là. J'ai fait bien franc avec vous autres. Là. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, je l'ai même pas lue. J'ai lu le titre, je fais tu me niaises, puis je passais à autre chose. Plus et là, on vient de la lire. Genre, aller porter mes poubelles dehors. C'était beaucoup plus utile que de lire cette nouvelle-là. Mais là, on l'a lu, puis on sait que ça va être un film de science-fiction. Et quand on va sortir du site, on va sortir les vidanges de la station. Ouais, ça va être encore... Ça va... encore plus constructif. On va se sentir moins coupable d'avoir parlé de cette nouvelle-là. N'importe quoi. Bref. Monsieur Castegan, peut-être une dernière nouvelle avant de partir en pause musicale pour la moitié de l'émission? Oui, ben en fait, on va parler de Shadow of Mordor. Mordor. Mordor. Mordor. Mordor. Faudrait rouler noir. Mordor. Ici. Voilà. L'ombre du Mordor. Voilà. Oui. Ça va être mieux. Ben en fait, le jeu est sorti cette semaine. Et, J'ai hâte de jouer, même si c'est bien du monde. Ben, répétitif, à la Assassin's Creed, à la Batman. Non, je m'excuse, tu décapites des gens, tu peux te transformer en espèce de fantôme du Seigneur des Anneaux. Puis il y a un système hiérarchique qui paraîtrait change à rien du tout au jeu, mais ça a l'air le fun pareil de posséder un bonhomme pour dire « va te battre contre l'autre ». Ah non, il est mort. Non, c'est ça. Mais bon, j'ai hâte d'y jouer. D'ailleurs, je vais essayer de jouer pour la semaine prochaine. Pour vous faire une petite critique. Ouais, parce que moi, je vais être occupé à jouer à Smash sur la 3DS. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que le jeu est sorti sur Xbox One et PlayStation 4. Mais aussi sur PC. Aussi sur PC. Mais préparez-vous, joueurs du PC, vous allez avoir droit à une surprise de taille. Ça va faire mal. Mais premièrement, il faut savoir que quand vous achetez le jeu version PC, vous achetez le jeu et vous, si vous voulez avoir les textures HD, vous devez télécharger un add-on, un patch gratuit, bien évidemment. Le jeu de base, il pèse à peu près 35 gigs. Et si vous ajoutez le HD, c'est 10 gigs de plus. Donc, juste pour vous donner une idée. Et là, ça prend pas beaucoup de place. Non, mais là tu dis, bah, OK, c'est beau, là, tu rajoutes tout ça, mais vous savez pas à quel point c'est lourd à rouler. Non, c'est ça. C'est quelque chose que vous devez savoir avant de rentrer dans l'informatique. Il y a quelque chose qui est très important au niveau des jeux vidéo, qu'on appelle la VRAM. La VRAM, c'est la mémoire vidéo. C'est la mémoire qui est sur votre carte vidéo dans l'ordinateur qui vous permet de télécharger les graphiques, les polygones et tout, qu'est-ce qui sert à faire en sorte que vous voyez le jeu. Le jeu prend minimum 2 gigs de VRAM si vous voulez le jouer à minimum, 3 gigs si vous voulez jouer à élevé, et si vous prenez les packs HD, là, comme Michael il dit, là, puis vous dites, moi je vais jouer à ultra, man. Moi c'est ultra ou rien. Ça c'est mon genre. 6 mais... gigs. Ouais. Juste pour vous dire, la moyenne des ordinateurs sur le marché dans le monde, je parle pas juste au Canada, là, dans le monde, ont 1 gig. 1 gig de mémoire vidéo sur la carte vidéo. C'est ça. C'est 6 gigs, c'est malade. Puis moi, j'ai un bon ordi chez nous, là, de gaming, justement. Là. J'en ai 2. Ça fait 2 ans que j'allais mon ordi. Moi, je pense que j'en ai 4. J'ai envie de pleurer un petit peu. Je pense. Je dis ça sur toute réserve. En tout cas. C'est juste pour vous dire, ça vous prend quand même 2 cartes vidéo dans votre PC si vous voulez atteindre le 6 gigs, sinon c'est juste impossible. Et il faut que ça soit comme pas mal les meilleurs dans l'industrie, là. Genre. Vous avez une carte qui date de 4 ans, vous oubliez le projet. Non, ça va coûter une beurrée. Parce que moi, je me rappelle ma carte de vidéo que j'ai achetée pour mon PC il y a 2 ans. C'était la top chez Nvidia, mais juste en dessous de la trop grosse qui coûte 2000 milliards de dollars. Puis que t'es pas sûr qu'il va rentrer dans le PC tellement grosse. Là. J'étais juste en dessous de celle-là. Puis on était là, méchante carte vidéo de la mort. Ça fait 2 ans, puis il y a des jeux que... C'est juste pour vous donner une idée, là, les cartes vidéo là, qui ont 4 gigs, là, c'est des GTX 970 et 980. Ça vient de sortir. Là. Puis ils ont 4 gigs. Là. C'est des cartes qui doivent coûter peut-être 800$ ouais. Là, pour une carte. Si vous savez combien de pourcentage de la population mondiale sur Steam a ces cartes-là? Président. Moins de 1,5% de la population. Fait que imaginez quelqu'un qui en a 2. Ben, je me dis qu'on va profiter, de la même qualité que les joueurs console, tout simplement. Moi, je vais juste l'acheter sur PS4, de la merde. Là. Non, c'est sûr. Ben là, moi, je n'en ai pas, c'est que je vais y aller PC. Mais je vais pouvoir faire comme un de mes amis, là, broadcaster des vidéos sur Facebook, là, montrer à tout le monde que je suis hot. Ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'il est hot. J'ai regardé quelques vidéos, puis je suis pas mal sûr qu'il est meilleur que moi. Non, c'est... Moi, c'est sûr que je posterai pas des vidéos où je suis pourri. C'est bien sûr. Prends le commentaire pendant qu'il parle, Brian. C'est ça, Brian. On parlait de toi. Mesdames et messieurs, il est 19h56 sur la belle ville de Lévis et on a déjà la moitié de l'émission, une première heure de puissance maximale de passé. Il est temps, comme le veut la tradition, de fusiller quelqu'un. Non, ça c'est à l'aube. Ah, ok, excuse. Voilà. Mais non, il est vu qu'il arrive 8h, on va passer à notre double pause musicale. Donc on va vous envoyer 2 chansons back-to-back, puis après ça, nous serons de retour pour la deuxième heure de puissance maximale, entre autres avec la critique de M. Castegan sur le jeu Hyrule Warrior. C'est vrai, j'ai une critique à faire, moi. Ben oui. Hein, crème, faut shorter mes notes, moi. Ben oui, c'est ça. Donc, il va faire ça pendant que la musique joue. Mais on vous revient avec ça. Et après, Andrew, d'autres nouvelles ludiques tout au long de la deuxième heure. Mais avant tout, on s'en va en musique avec 2 chansons. Vous allez voir, assez différentes, mais 2 excellentes chansons pareilles. On va commencer par juste une petite nuit des Colocs, un classique de ce groupe québécois mythique que j'aime beaucoup. Et tout de suite après, puis là, ça... J'ai remis ça sur mon baladeur MP3, voilà pas long, sur mon téléphone en fait. Je marchais, puis ça repogne. Ah, mon Dieu, il me semble que j'ai passé ça une fois puissance maximale, ça fait vraiment longtemps. Et ben c'est épique tout plein, c'est du métal, et c'est du Dragon Force, et ça s'appelle Through the Fire and Flames, un classique pour certains qui ont joué aux dernières versions de Guitar Hero, une des chansons les plus difficiles à jouer, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on vous envoie les colocs avec juste une petite nuit, et tout de suite après, Dragon Force et Through the Fire and Flames, à puissance maximale, sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis! Pour moi, mais je m'ennuie pareil. As-tu compris? Je m'ennuie de tes cuisses, je m'ennuie de tes seins, je m'ennuie de tes yeux, t'ennuies-tu des miens? J'ai ben, dis-moi les buts. J'étais pas faite pour toi non plus. T'es faite comme un ordinateur, sorry, no compute. C'est que je fasse ça. Calice reste donc juste une petite nuit, puis on va s'aimer jusqu'au matin. T'es obligé de partir chez ben, mais t'es pas obligé de partir tout de suite. On va se rouler un gros pétard, on va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire André, trop tard, on peut être copains si tu veux. On va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire André, est trop tard, on peut être copains si tu veux. Pis ça, je le sais, ça va me faire chier. C'est rien copain, j'aime mieux tout seul. Mais je t'orgueilleux quand je suis avec toi. Ça fait que je vais fermer ma gueule. On va faire l'amour en silence, comme des amants, un peu blasés. Avant de me donner mes vacances, fais-moi croire que je suis pas clair. Au ministre du Transport. Glisse les piétons. J'ai compris, mais monsieur Boitier, une table de concertation qui ne débouche pas sur des recommandations de resserrement de règlement, je n'ai jamais vu. On ne débattra pas des enjeux précis, mais est-ce qu'on peut convenir que l'État s'immisce de plus en plus profondément dans la vie des gens? J'aime bien, là, mais... Si on ne met pas notre petite main sur la petite rampe dans le métro, on peut avoir une amende. Là, le casse, moi, je suis absolument convaincu, c'est toujours plus de règlements, c'est certain que ça va arriver. Je comprends ce que vous me dites, par exemple. Moi, j'étais 28 ans dans la police, quand j'ai pris ma retraite, là, je trouvais à l'occasion, là, comme citoyen de tous les jours, là, qu'on était pas mal réglementé. Oui, oui. Est-ce que je suis obligé de réglementer? Ma réponse aujourd'hui à moi, là, honnêtement, là, c'est non. Bon. Mon opinion, c'est que je pense pas qu'on est obligé de réglementer. C'est mieux d'avoir un casque. Parlez-en à M. Pelado. Oui. Parlez-en à M. Gaudreau. Oui. Si c'était une bonne idée d'avoir un casque. Politique correcte. Lundi au jeudi, non. 11 à 13. Vous avez besoin de plus de visibilité sur le web? Pensez à Production Newcom, une agence vidéo créative qui vous livrera une solution adaptée et sur mesure à vos besoins de contenu vidéo. Production Newcom, N-U-C-O-M. Pour plus d'informations, production avec un S, newcom.ca. Également sur Facebook, YouTube, Twitter. Blackest flames in hell's domain. We watch the mayors they go. In fire and pain, I watch. I'm Alexey Pajitnov. I am creator of Tetris, and you are listening to Puissance Maximale. Et oui, mesdames et messieurs, de retour à Puissance Maximale. Ben, on parlait tantôt de Tetris et d'Alexey Pajitnov. Je trouvais que c'était très approprié. Ben, vous venez d'entendre sa voix, parce que oui, nous, à Puissance Maximale, on l'a déjà eu en entrevue. Voilà, c'est fait. Mais c'était pas nous autres. C'était François Gécouillard à l'époque qui avait eu l'honneur de faire ça. Donc, mesdames et messieurs... Il est encore en vie, lui? Sûrement. Ben oui. Sinon, on le saurait. On sait pas. On savait pas que CRTC avait fait un ultimatum à Netflix puis Google. Non, on le savait. C'est pas si important que ça comme nouvelle. Ouf, je viens de voir quelque chose popper dans Facebook que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Tu me fais peur. Un ordinateur qui démarre sur Windows 98. Oh! De Alexandre Carignan. Oh, un de nos auditeurs d'ailleurs, qu'on salue. Monsieur Castegan, on vient d'entendre juste une petite minute des colocs, Through the Fire and Flames de Dragon Force. Et là, j'ai promis aux auditeurs une critique de Hyrule Warrior à notre retour de musique. Tu te dois de remplir. Ah, j'ai menti, j'ai pas joué. Non, c'est une blague, j'ai joué. J'imagine bien. Ça fait comme 10 ans que tu nous en parles. Ça fait même pas 10 ans que je t'annonce. OK, d'abord. Donc, vas-y donc avec ta critique. Ben, tout commença le 1er octobre 2004, où je parlais d'Hyrule. Non, mais en fait, Hyrule Warriors, jeu développé en collaboration entre Omega Force, Team Ninja, Koei Tecmo et Nintendo. Ça fait beaucoup de compagnies. Oh oui! Pour faire un spin-off de Zelda, mais version... Hardcore! Et voilà. Hardcore. Parce qu'ici, on parle non pas d'un Zelda classique où vous vous promenez dans des donjons que vous devez sauver la prise 2. Vous devez sauver la princesse et ainsi sauver Hyrule des mains du méchant Ganon qui veut tout détruire et dominer avec des forces des ténèbres. Non, ce n'est pas ça, mesdames et messieurs. C'est ça, mais pas exactement. Parce que vous avez un style de jeu à la Dynasty Warrior. Et vous savez, mesdames et messieurs, je suis un très grand fan de Dynasty Warrior. Et ici, Zelda, Sheik et Zelda. Ben, après, non, j'ai dit Link, Sheik, Zelda, c'est ça. Impa, fille qui est l'épée dans Skyward Sword, Midna dans Twilight Princess, la princesse des insectes, que j'ai oublié son nom, elle qui trippe bien grosse des insectes dans Twilight Princess. Après ça, il y a la princesse Ruto, la princesse Zora dans Ocarina of Time, le Goron qui s'appelle Daruma, je pense, que j'ai un blanc. Lui. On a quelqu'un en studio là, qui va nous aider, M. Castegan. Ouais, t'as rien d'écrire. Fait que je continue à parler pendant ce temps-là. Et tout ce beau petit monde-là, ben, ils ont décidé que non, c'était assez. Les forces des ténèbres n'allaient pas dominer Hyrule et que tout le monde allait s'unir et ainsi se battre pour des milliers de personnes. C'est ça, on va vous péter. Et là, on me glisse Darunia. Il manque un i, c'est quand même pas si pire. Donc, c'est pas si pire que ça. Il manquait une lettre. J'ai déjà fait pire. Tu sais qu'on pourrait aussi chercher sur notre ami Google. Mais on n'a pas le temps. C'est ça. Continue. Le temps, c'est de l'argent. Si seulement. Mais continue. Fait que, bref, on va retrouver ici un Dynasty Warrior où vous allez pouvoir tuer des milliers et des milliers de bonhommes. Et Dieu sait qu'il y en a des milliers de bonhommes. Et aussi, avec les petites touches là, qu'on reconnaît de Zelda, vous allez avoir les coffres, les items. Parce que vous allez retrouver, bien sûr, les bombes, l'arc, le boomerang. Et tout le kit. Donc, ça fait en sorte que c'est un jeu quand même très intéressant. Est-ce qu'on doit considérer que c'est un jeu Zelda? C'est un débat pendant les, à travers les fans. Moi, mon opinion, j'aime mieux voir ça comme un univers parallèle de Zelda où Link est un badass et il peut tout détruire sur son chemin et qui fait des doigts d'honneur à tous les méchants qu'il rencontre parce que Dieu sait qu'il pulvérise et c'est de toute beauté. Fin de la critique? Non, c'est pas fin de la critique. Ça, c'est la première. T'avais l'air parti. Colin, on va arrêter ça là. Non, c'est la prémisse. Donc, vas-y. Mais tout ça pour dire, on va retrouver une mécanique, celle Dynasty Warrior. Ils n'ont pas réinventé la roue. Ils ont pris une formule qui marche déjà très bien. Mais ils l'ont adaptée à la sauce, bien sûr, Zelda, comme je disais. Donc, vous allez retrouver vos personnages, le scénario avec des cinématiques. Petite déception, par exemple, que j'ai une chose. Une déception? Déception. Okay. Une déception que j'ai. Mais en même temps, c'est dans la philosophie de Link, de Zelda. Il n'y a pas de voice acting dans dans le jeu. OK. Il y a juste les ouais, les exclamations habituelles des personnages dans avec des boîtes de texte. Fait que tu sais, je comprends, il aurait pu laisser Link muet, mais j'aurais trouvé ça bien que les autres personnages aient des voix, parce que on s'entend que les autres personnages, on a quand même une petite idée de comment leur voix sonne. Ça aurait été quand même bien. Quand même. Fait que, donc à ce niveau-là, c'est une petite déception, mais rien d'extrême. Sinon, ben, on va. En fait, le seul personnage qui parle, c'est Fi, en fait. OK. L'épée de Skyward Sword avec sa voix robotique est très énervante. Il fallait bien que ça soit la pire des voix qu'on entende. Ouais, effectivement. sinon, il n'y a pas Navi non plus. Ah, Navi, pas là. Listen! Hey! Hey! Non, il y en a une autre. Ah. Avec une voix remixée. Tu me niaises? Non! Damn! OK. Mais non, elle n'est pas si pire que ça. On entend juste un hey, mais avec la trame sonore totalement épique du jeu. OK. La musique, donc, la musique, elle nous met dedans. Ben, t'as déjà joué à Dynasty Warrior. Oh, oui. T'es à la base, les musiques de Dynasty Warrior, c'est de la guitare électrique, power metal un peu. Ça rentre. Pour que ça soit épique tout plein. C'est ça. Ben, imaginez des tunes de Zelda remixées comme ça. Ouais, j'avoue. Un peu comme dans le nouveau thème, là. C'est ça, on a le projet, justement, là, d'aller... J'irai chez vous après l'émission, que j'aille tester ça, j'ai hâte d'entendre ça. C'est ça, exactement. Puis un gros plus qu'ils ont rajouté dans la mécanique, que je trouvais qui a été très défaillant, parce que vous vous rappellerez que j'ai aussi Dynasty Warrior 8 sur la PS4. Présentement, je suis, au grand étonnement de moi-même, coincé dans mon Dynasty Warrior 8, parce que je suis arrivé à une mission où il faut que j'ai un choix entre trois personnages que j'ai jamais pris. OK. Fait que là, je me fais vraiment rincer. Est-ce que tes personnages sont pas assez forts? Ben, c'est ça. Parce que moi, personnellement, quand je joue avec des personnages, j'ai toujours mes petits favoris. Et là, je suis en train de faire mon clan favori, qui est le Wu. Et tous mes persos favoris sont morts. Mais tu sais, c'est pas de ma faute, c'est l'histoire. Oh, oui. Et là, lui, il va un step plus loin, puis on joue d'autres personnages qu'on n'a jamais vus dans la franchise. Fait que je les connais pas. Et je suis très réticent dans mon Dynasty Warrior au nouveau personnage. Je leur laisse une chance, mais dans Story Mode, j'aime pas ça me le faire imposer. Et là, je suis imposé, fait que là, aucun de mes trois persos sont montés de niveau, fait que là, j'ai pas d'équipement, j'ai rien, fait que je me fais totalement destroyer la vie par le jeu. Mais tandis que dans Hyrule Warrior, ben, ils ont mis un petit système pour pallier à ça. Vous faites de l'argent quand vous tuez, ben, des rubis, quand vous tuez des bonhommes. Bien évidemment, ouais. Et quand vous coupez de l'herbe longue aussi, parce qu'ils ont conservé ça. Yeah. Et vous faites facilement de l'argent, et quand vous êtes entre une mission, puis vous êtes pris pour prendre un personnage que vous aviez pas normalement, ben, vous pouvez payer pour mettre le personnage au même niveau que les autres. C'est comme fun. Un entraînement. Okay. Fait que il y a moins d'armes, mais au moins il y a le même nombre de points de vie et la même force. Au moins. Fait que ça l'aide. Fait que ça, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé très bien. Ouais, là, tu viens de parler du gazon, justement, des herbes longues qu'on pouvait couper pour avoir des sous. Y a-tu beaucoup d'éléments de la franchise Zelda qui est conservé? Il y a les coffres. Il y a l'herbe longue. Il y a les grosses roches qu'on peut lancer des bombes dessus. Sinon, il y a les fées. OK, ouais. Les grandes fées. Là. Il y a les puits de grandes fées qu'on peut trouver. J'ai accroché un bouton de ma souris. OK, excusez-moi. fait qu'il y a les grandes fées. Sinon, il y a les cocottes. Les poules. Ah, OK. Et croyez-moi... Vous voulez pas fâcher une poule Dans Hyrule Warrior. Ben, comme à l'habitude, il faut jamais attaquer les poulets dans Zelda, sinon on se fait attaquer. Mais là. Dans ce Zelda-là, il y a deux. Si vous rencontrez une poule, il y a deux scénarios possibles. Soit qu'un ennemi va frapper dessus juste à temps que la poule pogne les nerfs et qu'il y ait une armée. Et quand je dis une armée, c'est réellement une armée de poules qui viennent le varloper. Ou encore, vous êtes courageux et vous vous dites « Ah ben, ça me tente d'augmenter le challenge de mon jeu, ben je vais frapper la poule. » Et là, vous allez vous faire violer, mais intensément, par une armée de poules, en même temps que les ennemis vous attaquent. OK, ça fait que faut être prêt, là. Et si vous voulez arrêter la horde, ben il faut vous tuer la cocotte d'or. Oh, puis là, il faut que tu la retrouves dans tout le tapon de poule. Genre. OK. Et le principe de la poule, c'est que t'en frappes. Là, tu te dis... Yes, j'en tue, ça va bien aller, ça compte comme des KO. Mais quand la cocotte meurt, elle meurt pas, elle s'en va. Mais elle pond un œuf. Et il y a une autre cocotte qui sort. Okay. C'est un cycle sans fin. Ah, oh, OK. C'est qu'il faut faire attention. Oui. D'accord. Et ils font plus mal que les ennemis. Oh, OK. Bref, Faut faire attention, on le répète. T'sais, c'est un bon fan service. Voilà, ils ont bien pensé. Sinon, ben, il y a beaucoup de personnages. T'sais, c'est complètement dans l'univers. Il y a un personnage, ou peut-être deux, qui ont été créés spécifiquement pour Hyrule Warrior, qui ne sont pas des personnages de la mythologie. Okay. En fait, trois. Ouais, trois. Je pense qu'il y en a trois. Il y a Sia, l'autre. Et l'autre autre, c'est ça? Non, mais il y a Volga qui s'appelle le Chevalier Dragon, que je sais pas s'il est dans Skyward Sword ou s'il est de lui. Parce que Skyward Sword, j'ai pas été hâte de jouer parce qu'il m'a tapé ses nerfs tout de suite. Il y a Sia qui est une des méchantes du jeu. Mais il y a l'autre qui est son nom? J'ai un blanc. Je vais chercher ça pendant que tu continues, Andrew. Ouais, ben tu sais, c'est comme la pogée de l'inverse. De Sia, là, c'est la gentille sorcière. Continue, je vais chercher ça pour toi. Mais bref, tout ça pour dire que le gameplay est Dynasty, les saveurs, ils ont mis des petites mécaniques de plus, ça se passe dans l'univers de Zelda, donc c'est un très bon fanservice au niveau des fans. Et la musique est écœurante. Puis en même temps, une des choses qui ont profité du fait que c'était sur la Wii U et que j'ai pas eu l'occasion de tester, et d'où pourquoi on va venir chez nous tantôt pour tester la chose, si vous voulez, il n'y a pas de mode de jeu en ligne. OK. Si on joue coop, faut jouer à la maison. Faut jouer à la maison. Okay. Et si vous jouez à la maison, le principe, c'est qu'il y en a un qui joue sur l'écran de télévision et l'autre joue sur le Wii U Gamepad, donc sur l'écran de la manette. Ouais. Donc, ça fait en sorte que vous avez deux écrans séparés. Donc, vous pouvez aller où vous voulez, puis une personne joue plein écran, puis l'autre personne joue sa manette. La seule chose qui paraîtrait, une petite bémol, c'est que la résolution du jeu sur la grande écran est nivelée vers le bas pour faire en sorte que la console soit capable de procéder, de comprendre, dans le fond, et envoie. C'est Lana, l'autre sorcière. Ah, possible, oui. Oui, c'est Lana. Je viens d'avoir le flash. Parce que j'ai tout ça ici, là. J'ai Link, Zelda, Lana, Impa, Shake, Darunia, la princesse Ruto, Minna, Agita, Fi, Ganondorf, Zant, Girarim, Sia, Volga et Wizro. Mm. Ça fait quand même pas mal de personnages jouables. Ouais. Faut que j'essaye. J'ai hâte de jouer. Tu m'en parles, je fais taper sur du monde. Là, c'est ça. Fait que là, ils ont fait un niveau vers le bas au niveau des graphiques de grand écran pour faire en sorte que la console soit capable de gérer le fait que les deux joueurs n'ont pas la même image sur chacune de leurs manettes. Là-dessus, il y a un niveau partagé au niveau des critères. Il y a du monde qui dit que c'est tellement moche que c'est pas jouable. Comme d'autres personnes font comme ouais, c'est sûr que c'est moins beau, mais bon, pour l'avantage d'avoir deux écrans séparés, ça vaut la peine. Sinon aussi, il y a le mode Adventure qui permet de refaire Zelda 1, mais en mode défi de Hyrule Warrior. Okay. Et ça, c'est tout simplement pour débloquer des armes. Okay. C'est pour développer du stock pour les personnages. Aussi, il y a les fameux Golden Scutula, les genres de petites araignées que tu tuais pour avoir des masses dorées. Souvent, cela, c'est pour donner des morceaux d'images, de artwork. C'est plein de petites affaires. On peut aussi trouver des cœurs pour augmenter nos barres de vie. Donc, tu sais, il y a quand même une portion exploration qu'ils ont gardée. Fait que c'est quand même très intéressant. Là, je me demande, Andrew, est-ce que le joueur de Dynasty Warriors va aimer Hyrule Warrior et est-ce que le joueur de Zelda va aimer Hyrule Warrior? Ben, c'est là justement la nuance. J'ai beaucoup de monde à ma job qui sont fans de Dynasty Warrior, donc j'ai pu sonder. Et d'où la personne avec qui j'ai des discussions d'Hyrule Warrior dans le chat de job. Continue. J'espère que mon boss m'écoute pas. Mais bon, tout ça pour dire que toute personne qui aime Dynasty Warrior va adorer Hyrule Warrior. Parce qu'ils n'ont pas laissé ça enfantin ou quoi que ce soit. Il y a une bonne histoire, il y a une bonne mécanique, c'est le fun à jouer. Puis ils ont réussi à combler pas mal de bémols, à mon avis, que j'avais pas remarqué du système Dynasty Warrior, qui dans celui-là, je trouve qu'ils ont fait une belle amélioration à ce niveau-là. Par contre, au niveau des fans réels de Zelda, c'est partagé. Ouais. Et qu'est-ce qui m'a fait remarquer ça, c'est au niveau des let's play puis des vidéos, et même, je vais citer la gang du jeu C'est sérieux, de Guiz et Laurent. Oui. Où Guiz est un très grand fan de Zelda rétro, et lui tomber sur un Zelda comme ça, lui, il capote. Là. Il adore ce jeu-là, il a donné même la note de 9/10. Okay. Laurent, qui est un fan plus conservateur de son Zelda, considère que ce Zelda-là n'est pas un Zelda. Il ne le voit pas comme un Zelda légitime de la lignée. Mais fait on peut le comprendre aussi. Il l'a moins apprécié. Il lui a donné la note 7 sur 10. Okay. Donc, quand même un bon écart entre les deux. Mais en fait, tu sais, moi, je sais quand je vais commencer à jouer tantôt, moi, je vais pas faire « Yes, je m'en vais jouer à Zelda ». Moi, dans ma tête, je vais jouer à Dynasty Warrior avec un contexte Zelda, là. Moi, c'est sûr que je le ferai pas en tant que Zelda. Je le noterai pas comme ça, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment de la façon qu'on... Si on est ouvert au gameplay qu'on Dynasty Warrior. Le jeu. Si on n'aime pas le gameplay Dynasty Warrior, c'est sûr qu'on n'appréciera pas que ce soit Zelda, ben c'est ça, les gros fans de Zelda, le hic qui arrive, c'est qu'ils trippent sur le jeu au début, mais après un certain temps, ils font « Ouais, c'est répétitif ». Ben ouais, ben Dynasty Warrior, c'est ça. Hein? C'est ça. Fait que le monde qui sont habitué à l'univers Dynasty Warrior, comme moi, ben tu sais, je fais abstraction du fait, pour moi, c'est un jeu des fouloirs, puis tu sais... Tu sais, j'embarque là-dedans, je me fais du fun, mais tu sais, je sais que c'est pas un jeu sérieux. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été populaire avec Laurent. Non. Mais tu sais, je sais que c'est pas un jeu sérieux. Oh, ouais. Fait que je le prends à un second degré, puis tu sais, je me fais du fun. T'sais. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que ça va être un jeu qui va peut-être être plus apprécié par les fans de Dynasty Warrior qui vont l'apprécier, encore plus par les fans qui aiment les deux franchises, mais les vrais fans purs de Zelda, ils vont peut-être apprécier l'expérience, mais peut-être pas au même niveau. Non, c'est ça. Ils vont se tanner plus vite, mettons. C'est ça. Mais en même temps, ça, faut pas s'attendre. C'est pas un jeu... Ben, en fait, c'est ça. Ils ont raison de dire que c'est pas un jeu Zelda en tant que tel. C'est un gameplay de Dynasty Warriors dans un contexte de Zelda, tout simplement. Monsieur Castigan, écoute, la question, combien de Triforce sur 10, donnerais-tu? Ben moi, je vais y aller avec le même avis que Giz. Un 9 sur 10? Je vais y aller sur un 9 sur 10. 9 Triforce sur 10. Ben toi, t'es un fan des deux franchises, donc c'est sûr que tu te lances. C'est plus... Tu vas plus apprécier. Moi, j'embarque à fond. Ouais, ben j'ai hâte de le tester. On va faire ça tantôt. Ouais. Ah, t'as hâte. Ben oui, j'ai hâte de le tester, certain. Moi aussi, il me tentait ce jeu-là quand je l'ai vu sortir. J'ai hâte d'avoir ça entre les mains. Puis on va pas tester le co-op en même temps. On pourra en reparler la semaine prochaine rapidement là, pour donner notre impression sur le co-op. Oui. Excellent. Ben, merci beaucoup, M. Castigan, pour cette critique du jeu Hyrule Warrior disponible sur Wii U, bien évidemment. Lancez-vous sur ce jeu, selon M. Castigan, si vous êtes fan le moindrement de Dynasty Warrior et de Zelda. Juste des Zelda, peut-être vous le trouvez à l'occasion pour tester. Ou quelqu'un qui l'a pour le jouer en coop ou seul à la maison pendant qu'un autre fait une game de pichenote ou de solitaire. Ou de Shadow of Mordor, son PC avec deux cartes de 800$. Ah ben oui, pourquoi pas. La vie, c'est si facile. Monsieur Castigan... Bizarre savant. C'est ça. Monsieur Castigan, il est temps de partir en pause musicale et on va y aller avec une reprise de thème de Double Dragon, un genre hip-hop, avec la gang The Adventures of Dwayne and Brando. Dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD-FM. Sport, musique, politique, 96.9. 100% Lévis. Straight. stay. Could just get the fuck back and stop running your lips. Walking all up in my hood, dressing like what's in groups. Doing my lane like what's in story. And you matching outfits. So look, it's Billy and Chip. You get double fight. You twist. Well, Esteban des Cités d'Or, vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, vous avez entendu Double Dragon, donc Double Dragon, The Adventures of Dwayne and Brando, ça c'est les artistes. Et oui, dans la chanson, ils disent qu'ils vont nous donner un Atomic Wedgie. T'es-tu prêt pour ça, Endo? Non. Ready for an Atomic Wedgie? Non, j'ai même pas lu mes nouvelles. Non. Non. Parle pas de ça. Blague. Mais, mesdames et messieurs, nous retournons en nouvelles ludiques et... Saviez-vous qu'Ubisoft sort un Assassin's Creed? Un autre! Un quatrième! Qui s'appelle Assassin's Dans Creed la même année. Identity, vidéo de gameplay qui est sorti cette semaine, qui va être un jeu sur... iPhone et iPad. Voilà, portable, donc sur iOS. Donc, il y en met des Assassin's Creed cette année. Moi, sans farce, on pourrait peut-être faire un semi-coup de gueule sur Assassin's Creed. Je pense que je vais arrêter un de jouer. Un semi? Je pense que je vais arrêter de jouer à Assassin's Creed. Même si je fais « Ah, le prochain, le contexte historique a l'air cool, puis nanana. » Black Flag, là, je suis même pas proche de l'avoir fini. Puis quand je l'ai essayé, je fais « Ah, il est cool, il y a même des belles affaires. » Mais je suis tanné. Je suis tanné. Là, je dis ça, je vais sûrement jouer à l'autre, parce que je me connais. Mais j'y songe. Je vais arrêter de jouer, peu importe ce qui sort. C'est comme trop, c'est comme pas assez. Puis visiblement, tu sais, Assassin's Creed aurait dû se terminer avec Ezio. Parce que Revelation, il était assez ordinaire. Il aurait dû arrêter ça, là, selon moi. Là, tu sais, moi, je me sac en fait tout le côté avec l'Animus, puis là, les Templiers, puis les Assassins, j'ai rien à cirer. Moi, j'aime ça jouer dans le truc historique, puis faire les bouts dans l'Animus en tant que tel dans la simulation, mais toute l'histoire autour, j'en ai rien à cirer. Je trouve que c'est étiré, c'est plus qu'étirer la sauce. Puis là, on va avoir des lettres de mort. Oh, sûrement, je m'en fous. Hein. Moi, je trouve, c'est belle, le gameplay est le fun. Pas de trouble avec ça, les combats, c'est malade, c'est bien fait, mais... Non, moi, j'ai décroché de cette série-là. Au 3, le 3 était tellement mauvais que là, j'ai fait « Ah, je suis arrivé dans le 4, j'ai testé le 4, j'ai fait « Ah, c'est cool les, d'avoir un jeu avec des batailles navales pis tout, mais je me dis... » On commence à être saturé. Ah non, on commence. On fait plus que commencer. Tu sais, les nouveautés qui ont été annoncées avec Unity, avec le co-op à 4, j'avoue que ça me tente de l'essayer. Pour faire, le story mode à 4, ça doit être cool de le faire. J'aime ça, les jeux avec qu'on peut jouer les scénarios en coop avec ses chums. Ça, j'avoue. Mais j'ai hâte de le tester. J'aimerais ça le tester. Mais je m'attends pas à être genre jeté sur le cul. Là. Je veux le tester, je veux voir comment ils l'ont amené. Mais Parce que pas avoir d'émission de radio, là, pas sûr que je me lance. Sur le sujet, je suis pas sûr que je me lancerais dans un autre Assassin's Creed. Bref, tout ça pour dire que Ubisoft sort bien des jeux, majoritairement d'Assassin's Creed cette année, et ils vont en sortir un sur iOS. C'est en fait, c'est 3 épisodes qui ont été annoncés dans moins de 2 mois. Unity, pour la Révolution française, sur PS4 et Xbox One. Il va y avoir Assassin's Creed Rogue, qui va avoir lieu, qui va être sur PlayStation 3 et 360. Et Identity, qui va être sur iOS. Mais en fait, ça va seulement être dans l'App Store de la Nouvelle-Zélande et d'Australie. En plus. C'est qu'on n'y aura pas accès, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, ça va être avec la Renaissance italienne qui va nous faire visiter Rome et Florence. Il se présente comme un free-to-play mettant en avant la customisation, donc la personnification. Allez, on vous rappelle qu'on est sur le site jeuxvideo.com, un site français, donc de France, et on utilise le mot customisation à place de personnification. Pas personnification, mais personnalisation de l'avatar, de le mettre à sa sauce, non. Donc, ça va être axé là-dessus. Et il va avoir une sortie internationale prévue pour 2015. Voilà. Donc, pour le moment, ça va sortir au début qu'en Nouvelle-Zélande, en Australie. Bref, un autre titre, Assassin's Creed. Monsieur Castegan, savais-tu que Gotham City va être vraiment, mais vraiment plus grosse dans Batman Arkham Knight que dans Batman Arkham City? En fait, on nous parle de 5 fois plus grande que la map d'Arkham City. J'aime bien ça, moi, des grosses maps dans un style de jeu ouvert. J'ai vraiment hâte de... En fait, là, j'ai hâte de m'acheter une manette pour pouvoir jouer à mes autres jeux, dont Batman que j'avais acheté cet été sur Steam. Donc, c'est la gang de Rocksteady qui a confié à IGN que pour le 2 juin 2015, la date où s'en vient Batman Arkham Knight, ça va être... La map sera 5 fois plus grande que celle d'Arkham City. On rajoute aussi qu'il va... l'open world sera le plus vaste qui a été induit par l'utilisation de gadgets, donc le grappin et tout. Les possibilités de planer aussi avec Batman, bien évidemment. Et voilà. Et en plus, avec la super Batmobile de l'enfer qui tue, avec du feu partout puis des poneys. Il n'y aura pas de poney. Mais la grosse Batmobile, qui est plus un tank qu'une Batmobile, donc ça amène la possibilité d'explorer une plus grande map, et la gang de Rocksteady vont nous offrir quelque chose de 5 fois plus gros que Arkham City. Monsieur Castegan, autre nouvelle. Kickstarter, l'engouement en baisse. Je peux comprendre, mais continue. En fait, on peut noter que la popularité de la plateforme et son efficacité sont en chute d'approximativement... Mais en fait, en tout cas, du côté du jeu vidéo, on parle d'une baisse de 20% du taux de financement. Ouais, 20%, en 2013, on pouvait voir que les campagnes Kickstarter sur les jeux vidéo ont mobilisé pratiquement 58 millions de dollars. Et dans les 6 derniers mois de l'année, le chiffre tombe à 13 millions. Donc, c'est quand même une bonne baisse. Et il y a un questionnement qui se fait, à savoir pourquoi la popularité... baisse, on parle ici beaucoup d'échecs de financement. Les échecs de financement sont en hausse. Donc, on parle ici non seulement des campagnes qui n'atteignent pas leur but, mais on parle aussi des campagnes qui atteignent leur but, mais qui finalement sont annulées parce que le studio n'est pas capable de livrer la marchandise ou des choses comme ça. Peut-être des projets trop ambitieux. Puis en même temps, on parle aussi d'une absence cette année de grands noms, de marques ou de développeurs qui avaient déjà sorti des projets ou des choses comme ça, qui auraient pu ramener un engouement sur le marché du Kickstarter. En plus, c'est ça. En plus, il y en a beaucoup. Les gens finissent par se tanner de base. Là. C'est, le concept est très intéressant, justement, du financement participatif comme ça, mais quand ça sort de nulle part, des fois. Puis aussi avec les problèmes qu'il y a eu avec Kickstarter au niveau de certains projets qui aboutissaient pas, mais que les gens qui avaient donné des sous ne revoyaient pas leur argent. Il y a ça aussi. On se fait fretter une fois parce qu'on a donné des sous puis on le revoit pas, puis le projet se termine pas. C'est assez pour dire plus jamais je ne financerai via ce genre de site. Ça peut jouer aussi. Mais bref, ce sera surveillé si cette descente se continuera durant la fin de l'année. On va continuer à regarder ça. Ça va prendre plus de financement pour de la salade de patates. visiblement. Mais tu auras remarqué cette semaine que j'ai posté, j'ai partagé sur la page de Puissance Maximale ce qui s'est passé finalement avec l'histoire de la salade de patates. C'est qu'il y a vraiment eu un patate fest, on va dire ça comme ça. Quand il y a au-dessus de 30 000 $ je pense, qui a été donné à des œuvres de charité, premièrement sur le 50 quelques mille. Et le reste, ça a servi à faire un get-together, m'emmener manger des patates, puis il y avait un show aussi. Fait que moi, je suis bien content, finalement. On en avait parlé, je pense, la semaine passée, justement, de cette histoire-là. Puis j'ai eu la couverture. Ben, ça veut dire que le gars, il était correct. Oh oui, c'est ça. Fait que finalement, bien content qu'il l'ait fait. Le monde se sont fait du fun, puis il y a eu des organismes de bienfaisance qui ont reçu des sous à cause de ça. Donc, bien content. J'aurais été juste un peu... pas en mauvais après le gars, parce que si le monde sont assez espais pour financer ça, tant pis pour eux autres, là, s'ils seraient partis avec l'argent au complet. Mais il a été une bonne personne et il a fait des dons et amené plein de gens pour un party de patates. C'est cool. Ben oui. Voilà. Autre nouvelle, M. Castegan? Oui, et ça... Attends un peu, Andrew, excuse-moi de te couper. Là, on a M. Pierre Courtemanche, là, un auditeur de l'émission, qui dit que je devrais pas critiquer à ce point-là Assassin's Creed. En fait, il me dit, et je cite, « Don't you dare, Mike! AC is the best! » Non, monsieur Courtemanche, loin de là. T'as le droit, vous avez le droit d'avoir du fun, messieurs, mesdames, qui aimez Assassin's Creed. C'est bien correct. Moi, je ne critique pas les gens qui y jouent et qui aiment ça. Tant mieux pour vous autres. Mais moi, je trouve que la sauce est étirée et que, côté renouveau, il n'y a pas de quoi fouetter un chat là. Oh non! Donc, voilà. Mais t'as le droit d'aimer ça, Pierre. Mais moi, je trouve que c'est loin d'être les meilleurs jeux. C'était très bon au début. La partie avec Ezio, c'était cool. Mais là, le reste, là, c'est trop. Monsieur Castegan, voilà. Il est en train de te répondre. Ben, c'est sûrement. Donc, c'est une nouvelle que j'avais pas lu au complet. Au début, j'ai comme fait... Ah oui, OK, non, c'est correct. Mais maintenant que j'ai lu l'article un peu plus, j'ai fait comme... Ah, ben là... Oh, t'étais pas content? Le CirclePad Pro, l'accessoire qui permettait... On mettait la 3DS dedans et ça rajoutait un deuxième joystick. Ouais, ouais, ouais. Ben, imaginez-vous donc qu'il n'est pas compatible avec Super Smash Bros. 3DS. Ouais. C'est ça, il n'est pas compatible avec le jeu. Donc, en fait, je peux vivre avec. Tu sais qu'il n'y a pas de deuxième joystick, là, tu sais, je peux vivre avec. Mais le principe est... que là, le Masahiro Sakurai explique que... Caroline, tu l'as bien dit, naturel, tu sais, C'est comme dire Godzilla. C'est parfait. Godzilla. Mais bref, tout ça pour dire que ils ont dit qu'ils ont fait des tests pour la compatibilité du CirclePad Pro avec le jeu Super Smash Bros. Et ils se sont rendus compte que quand on ajoute cet accessoire-là à la 3DS, j'aime bien ça qu'ils se rendent compte là de tout ça, quand on rajoute cet accessoire-là à la 3DS, ben le processeur de la 3DS est sollicité à 5% de plus que la normale pour gérer le deuxième joystick. Et Super Smash Bros. 3DS va pousser les limites de la 3DS au maximum. Donc, il peut pas gérer le 5% que le deuxième pad il demande. Sauf que là où moi je fais « OK, that's fine, je vais m'habituer à jouer sans le deuxième joystick, t'es, je peux vivre avec. » Mais si vous achetez une nouvelle 3DS qui a le deuxième joystick d'intégrer, ben lui, il marche. Ben, peut-être que la nouvelle 3DS a un petit boost. Elle a un petit boost. Ben, c'est ça. Si tu achètes la nouvelle 3DS... On en avait parlé à l'autre émission. Mais pourquoi? C'est comme si vous le mettez pas compatible pour la 3DS, et soit dit en passant, c'est un jeu de 3DS. C'est pas un jeu de nouveau 3DS, c'est un jeu de 3DS. Pourquoi vous le mettez compatible avec la nouvelle? Ça donne un avantage aux gens qui jouent sur le nouveau 3DS. Fait qu'ils vont avoir un avantage dans le ranking merch. Ouais, mais Andrew... C'est pas juste... J'ai une solution pour toi. Acheter une nouvelle 3DS. Je sais pas pourquoi tu l'as pas vu avant. C'est si simple. Je le sais, mais Nintendo, c'est pas correct. Ouais, mais Nintendo sont forts là-dessus. On le sait. Je le sais. Puis qu'est-ce qui me frustre dans tout ça? C'est que ça va finir. Je vais en acheter une pareille, maudite nouvelle 3DS. Amère. Puis après je vais l'acheter amère. Puis après ça, je vais faire comme ah, c'est cool cette console-là. Et là, tu vas dire oui, Andrew, c'est à cause que tu sais que acheter, c'est voter. Je le sais. Ben, c'est ça. Et là-dessus, je dirais si tu l'achètes, t'es un épais. J'aime mieux acheter une nouvelle 3DS qu'un Call of Duty, pardon. Ouais, mais là, c'est sûr. Parce que là, on encourage une des seules compagnies qui est encore moi, j'aime mieux relativement honnête. Mais ben franc que toi, là. Moi, j'aime bien mieux aller m'acheter un sac d'oignons, les plus chauds complets, le couper, que m'acheter le Call of Duty. Ah, c'est correct. Puis en manger un cru. Là. Ah, c'est correct, ça. Que jouer à Call of Duty. Bon, tu commences à avoir des messages à propos de ça, comme de quoi Call of Duty. Non, mais Pierre m'aurait écrit à propos d'Assassin's Creed en disant que best story ever. Non. Mais l'histoire à l'intérieur de la simulation avec les personnages historiques sont cool. C'est des histoires le fun. Je me suis vraiment fait du fun. C'est pas les meilleures ever, mais c'est des bonnes. Mais le toute histoire là, avec le complot là, en dehors avec Desmond puis toute cette gang là en dehors de la simulation, ça ne m'intéresse mais vraiment pas. Je me rappelle quand le premier Assassin's Creed est sorti, là je vois ça. Moi, je suis un grand fan d'histoire. Jeu historique qui va se passer pendant une des croisades dans les Terres Saintes. On est un assassin. Là, j'étais, oh mon Dieu, je capote. Nanana. Finalement, sort justement l'histoire de la simulation. Puis qu'on n'est pas vraiment on n'est pas vraiment ce personnage-là. J'avais été vraiment, vraiment déçu. Mais bon, ça reste que, effectivement, pour les premiers titres de la série, les histoires. On va dire intra-simulation, était vraiment cool. Ça, je dois le dire. Voilà, c'est dit. Monsieur Castegan, savais-tu que Fear a une version online qui s'en vient, que la bêta est même ouverte? En fait, la sortie de Fear Online est enfin en ligne. Donc, c'est amené par Area Games. Donc, un free-to-play qui sera disponible le 17 octobre sur Steam. Pardon. Cependant, les joueurs qui le souhaitent pourront commencer à jouer dès le 8 octobre en participant à la bêta ouverte. Donc, juste aller sur le site officiel du jeu. D'ailleurs, on pourra vous mettre ça sur la page Facebook de Puissance Maximale. Donc, Area Games souligne que de gros ajustements de gameplay et de design ont été opérés depuis la phase bêta fermée ayant eu lieu plus tôt cette année. Les développeurs ont également implémenté une nouvelle map et revu le système de craft permettant de créer ses propres armes. Donc, c'est une première dans la série puisque cet épisode tente l'aventure du jeu gratuit en ligne. Donc, on pourra conduire des missions en co-op jusqu'à 4 joueurs prenant place en parallèle des événements de Fear 2 Project Origin. Ça, je me rappelle que dans les FPS intéressants, différents. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les deux premiers Fear. Je trouve ça le fun qu'on ait un jeu FPS un peu, tu sais, horreur, en coop. Tu sais, on avait évidemment là, le Left 4 Dead qui est très cool, là, on tire du zombie à pocheter. Mais ça, j'avoue que j'ai hâte de voir passer ça du côté de Fear Online, donc à surveiller pour le 17 octobre ou le 8 octobre pour la bêta ouverte. Je vais mettre d'ailleurs le lien du site officiel sur la page Facebook de Puissance Maximale. Monsieur Castegan, autre nouvelle? Ben, au niveau des nouvelles, premièrement, on a eu comme message comme de quoi qu'il y aurait eu une perte de la connexion web. Ben, vérifiez si vous avez eu de la connexion parce que nous autres, de notre côté, c'est encore up. Ah, d'accord. Fait que je dis ça comme ça, là. Tout ça pour dire, la Xbox One, est disponible en Chine depuis avant hier. Hurrah! Hein, c'est un jour historique. On doit écrire ça dans nos calendriers, parce que le Xbox One a été lancé dans 37 villes dans le pays, dont 4 000 magasins, au prix de vente de 4 299 yuans, qui est la monnaie là-bas. Ouais. Et qui vient avec 10 jeux. On parle de Forza 5. Ben, il vient pas, mais il est disponible avec 10 jeux. Forza, Power Star Golf, Zoo Tycoon, Max, The Curse of Brotherhood, Neverwinter, Rayman Legend, Trials Fusion, Naughty Kitties, qui est un titre exclusif à la Chine. Ça a l'air d'être intéressant. vilain chaton. Dance Central, puis Kinect Sport Rivals. Puis là, le monde, ils vont faire comme... Andrew, diantre, il n'y a aucun Call of Duty. Et Destiny est absent. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans l'Empire du Milieu? Ben, le gouvernement chinois n'encourage pas les jeux violents, Mike. Contrairement à leur politique interne. Exactement. Est-ce que je viens de dire ça? Mais... Mais tout ça pour dire que les Chinois n'auront pas accès à Destiny, ni les Call of Duty, ni Halo. Ouais, moi je connais un constructeur de consoles qui doit faire calvasse. Parce qu'on s'entend que c'est pas mal dans les gros titres là, qui se vendent sur Xbox là, que tu viens de nommer là. Ouais, à mon avis, il n'y aura pas de Sunset Overdrive non plus. Non, hein? Ah! C'est des monstres qui explosent en genre d'orangeade. Ben, hein. Destiny, c'est pas mal des aliens. Et l'eau, c'est pas mal des... C'est comme toi, là. D'accord. Bon, ben, bref, nos amis chinois ne pourront malheureusement pas jouer à des jeux violents. Est-ce que ça sent non. le mauvais plan? Non. Ben, écoute, déjà, aller en tout cas, le lancement officiel en Chine, de base, c'est un mauvais plan. Mais bon, ils n'ont pas un mauvais plan après. Ben, voilà. Quand même, c'est pas... Ouais, t'as raison. C'est... Monsieur Castegan, peut-être le temps d'une dernière nouvelle? C'est toi qui l'as ou c'est moi qui l'as? Bon, je vais y aller avec une nouvelle que j'aime bien, parce que c'est un jeu que assez méconnu, mais que j'aime beaucoup. Un jeu qui s'appelle Mount and Blade, dans le sens de monture et lame. Donc, Mount and Blade 2, qui a présenté son nouveau moteur graphique. En fait, c'est l'équipe de Tales Worlds, qui est à l'origine de la saga Mount and Blade, qui a partagé sur son site la première vidéo du futur moteur graphique de Mount and Blade 2, Bannerlord. Donc, il n'y a pas de sortie encore, ça, j'ai vraiment hâte qu'il l'annonce, parce que le 1, je réexplique rapidement, là, Mount and Blade, c'est un jeu... gestion d'armée, gestion de ville, type médiéval, d'attaque aussi, de stratégie, puis on peut être dans l'attaque, on peut gérer sa distance, mais on peut être le gars en avant des troupes qui chargent, gestion des troupes en temps réel, bref, c'est malade mental. C'est pas un super beau jeu, loin de là, mais c'est vrai, allez vous chercher ça, surveillez ça sur Steam, il vient souvent, il doit vraiment pas être cher de base anyway, mais allez voir, des fois il se tombe vraiment en spécial, vraiment pas cher, allez vous chercher ça, je vous dis ça de même, c'est excellent. Donc la saga a su convaincre par son gameplay, donc les graphismes sont toujours restés, disons, assez ordinaires. Donc il semble que la page soit désormais tournée au vu des performances présentées dans la vidéo, donc... Les développeurs ne seront pas les seuls à pouvoir profiter de la puissance de cette technologie, puisque un éditeur de niveau sera aussi de la partie pour Mount & Blade 2, Bannerlord. Je vous recommande d'aller sur le site officiel, parce que le jeuxvideo.com ne marche pas. Voilà, donc je vais vous sortir ça, je pense, ou je vais vous poster ça un peu plus tard, pendant la fin de l'émission, pendant qu'on ça va être la toune, je vais vous poster ça avant de partir de la station. Donc, à surveiller, un excellent jeu qui s'en vient. Mount & Blade 2, Bannerlord. Monsieur Castegan, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Oh non! Oh non, malheureusement, mais... Mais on n'a pas de nouveau outro. Non, pas encore. Si vous avez manqué le nouvel intro, ben too bad. Too bad. Semaine prochaine, ou le podcast. Ou le podcast, parce que n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Là-dessus, vous allez entendre nos émissions passées, version podcast, nos entrevues et plein d'autres affaires. Allez sur le site. Sinon, allez sur Facebook, tapez Puissance Maximale. Vous allez nous trouver très facilement et appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Mais grâce à ça, vous avez des nouvelles fraîches de l'émission. Et en plus, pendant qu'on est en onde, c'est là-dessus qu'on poste, disons, les vidéos, les images, les trucs qu'on trouve, les références, plein d'affaires. Si vous voulez avoir une petite discussion avec nous autres, c'est comme ça aussi. Ouais. Passez par là, passez par Facebook également. Je tiens à remercier M. Diego Lamana qui était en début d'émission, qui nous a parlé de Classcraft et de Serious Games, et M. Andrew Castegan. Merci beaucoup, Andrew. On s'en va jouer à Hyrule. On va aller jouer à Hyrule Warrior. Et mon nom à moi est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour parler jeux, pour parler avec mes chums, pour parler avec mes chroniqueurs. Et on vous rappelle, toute la gang ensemble, que... Jouer, c'est sérieux, hein? Ouais, non, c'est sérieux. Faut prendre une bière. Jamais. Non, c'est pas vrai. Faut avoir plein de bières. Mais aussi, on vous souhaite de passer une excellente semaine de jeu. All right. Take it home. A solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till